shit too long. Est-ce que vous m'entendez là? Shit too long. J'ai envie de revenir à vous. Allez. Monsieur tout le monde, allez, allez, c'est d'accord. Monsieur tout le monde, monsieur tout le monde, allez, il faut vous réveiller. Faut sortir de là. Monsieur tout le monde. Et sans futur. Sa boussole tournée vers le mur. Tapis roulant dessous ses pieds. Protéger contre tout. Et vous protéger.

Au fond de l'urne blanche et bleue.